Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette cinquième chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment pardonner. Fadjet, les ondes positives. Et qui pardonne au crime en devient complice. C'est ainsi que Voltaire, grand philosophe des Lumières, assoit un premier jalon de notre réflexion sur la notion du pardon. Si, comme Voltaire le prétend, en pardonnant, nous devenions complices du crime commis, cela sous-entendrait-il qu'il ne faudrait pardonner sous aucun prétexte ? Est-ce que pardonner et excuser se valent-ils ? Est-il vrai que « faut avouer, à moitié pardonner » ? Que peut apporter le pardon, tant à celui qui le reçoit qu'à celui qui le donne ? Enfin, faut-il accorder le pardon à ceux qui ne se repentent pas de leurs actes ? Il n'est pas en ma puissance de pardonner un affront. Tout ce que je puis faire, c'est de l'oublier, fait dire George Sand à Léry, l'un des protagonistes de son roman « Valentine », alors que sa réputation vient d'être publiquement salie face à la foule. Êtes-vous de ceux qui, comme Léry, ne se sentent pas capables de pardonner sans devoir subir une amnésie de ce qu'ils ont pu vivre ? Et excusez alors, vous paraîtrait-il plus aisé ? Mais quelle est exactement la différence entre les deux ? Si l'on s'en tient à l'étymologie, excuser vient du latin excusare, qui veut littéralement dire se justifier, s'expliquer. Alors que pardonner, composé du verbe donner et du préfixe par, élève cet acte à un rang supérieur. Apanage des autorités religieuses et de l'État, le pardon serait-il réservé à une forme d'élite ? Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un célèbre philosophe français, fervent résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Cette voix, c'est celle de Vladimir Jankélévitch. Le débat du pardon et de l'impardonnable n'aura jamais de fin. Insoluble est le cas de conscience qui en résulte. Car si l'impératif d'amour est inconditionnel et ne souffre aucune restriction, l'obligation d'annihiler la méchanceté n'est pas moins impérieuse que le devoir d'amour. L'amour des hommes est, entre toutes les valeurs, la plus sacrée. Mais l'indifférence aux crimes contre l'humanité, mais l'indifférence aux attentats contre l'essence, même et contre l'hominité de l'homme, est entre toutes les fautes la plus sacrilège. Les ondes positives sur Fadjet. Alors, pourquoi selon les neurosciences, il serait bon pour notre cerveau de pardonner ? Il s'agirait d'une capacité encore peu connue du mécanisme neuronal qui, loin d'être une faiblesse, serait un atout pour celui qui accorde le pardon. Selon le chercheur suisse en neurosciences sociales Thomas Baumgartner, il ne faut pas confondre pardon et réconciliation et se rappeler qu'il est possible de pardonner à quelqu'un en qui nous n'avons pas ou plus confiance. Le pardon se ferait en trois temps. La reconnaissance du mal qui vous a été fait, la décision de ne plus nourrir de ressentiment envers la personne qui vous a offensé, et enfin, et c'est sans doute l'étape la plus difficile, la tentative de ressentir de la compassion pour cette personne. En quoi cela peut-il être bénéfique pour nous ? Eh bien, rappelez-vous simplement le fonctionnement du ruminement permanent qui opère lorsque vous vous sentez trahi ou blessé. Notre cerveau étant paramétré pour notre survie, il est davantage intéressé par tout ce qui pourrait nous menacer, et donc va perpétuer ses pensées négatives incessantes. En même temps, le circuit de la souffrance émotionnelle s'active. À terme, ce phénomène altère notre santé cardiovasculaire, appauvrit la qualité du sommeil et stimule la production d'hormones du stress, pouvant parfois générer une dépression. Une expérience faite par des neurologues à Pise a démontré que lorsque nous pardonnons, nous stimulons une zone qui régule les émotions et deux régions liées à l'empathie et à notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. En définitive, le pardon élimine l'hostilité chronique, les ruminations et leurs effets négatifs. Comme le disait si bien Victor Hugo, le pardon, quel repos ! À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière de pardonner. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction la Chine, plusieurs millénaires avant notre ère, pour écouter la sagesse du conte de l'arbre du pardon. Un homme était perdu depuis des années, il ne vivait que de vols et de massacres et se montrait sans pitié et cruel avec tous ceux qui croisaient sa route. Un jour, l'idée lui vint d'aller en haut du grand pierrier trouver un célèbre ermite. Il n'y avait rien à voler dans sa cabane sinon une litière de feuilles sèches. Sans qu'il ne comprît pourquoi, l'homme vit naître en lui l'envie de posséder un espoir de rédemption et le pardon. Le vieil homme l'écouta, puis il sourit et lui montra un arbre sans vie calciné par la foudre, et lui dit « Tu vois là ce vieil arbre mort? Eh bien, tu seras pardonné quand il refleurira. » Complètement dépourvu, l'homme finit par se mettre en colère face à l'impossibilité de la tâche et en conclut qu'il lui était préférable de retourner à sa vie passée. Durant les années qui suivirent, l'homme sema le malheur et la haine sur son chemin. Un soir, il rencontra une femme qui avait rassemblé ses enfants affamés autour d'un chaudron. Il s'avança et souleva le couvercle. Le chaudron était plein de pierres. Et la femme chantait une berceuse à ses enfants. « Dormez mes petits, dormez jusqu'à demain. Maman vous fait la soupe, dormez encore un peu, dormez jusqu'à demain. » Sans comprendre alors ce qui naissait dans son cœur, l'homme renversa le chaudron et les pierres s'éparpillèrent au sol. La mère et les enfants étaient affolés. Alors l'homme sortit un large couteau de son sac. La lame luisante à la lueur du feu et dans l'ombre, on vit qu'il la planta dans la chair de la viande de mouton qu'il venait de voler quelques heures auparavant. Il la découpa et la jeta dans le chaudron. L'homme alors s'en alla en pleurant devant une telle misère. Jamais alors ses yeux n'avaient connu de larmes. Il pleura si fort qu'il ne sut plus comment s'arrêter. Il décida alors de retourner voir l'ermite. Mais une fois arrivé sur place, celui-ci n'était plus là. L'homme, alors pleurant toujours, s'avachit contre un tronc mort et y resta des jours durant. Un matin, alors que des enfants passaient par là, une petite fille osa s'approcher près de l'homme. Celui-ci ne la remarqua pas tellement il pleurait encore. De ses doigts fins, la fillette cueillit une fleur sur le bois reverdi et lui la tendit. L'homme, estomaqué, comprit que l'arbre avait refleuri. N'est-ce pas Russell Banks qui disait « Quand on pardonne à quelqu'un, on n'a plus besoin de se protéger de lui. Telle est la nature du pardon. » Car comment faire pour pardonner à ceux qui ont commis les pires monstruosités? Où trouver la volonté d'offrir ce cadeau à celui qui nous a peut-être privés de tout ou du plus important? Comment accorder son pardon à cet autre qui a menti, trahi, blessé, alors qu'il ne le demande peut-être même pas? Il semblerait que Lewis B. Smed fait jaillir une réponse du plus sombre de ces instants douloureux. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était vous. Ainsi, si l'acte qui nécessite le pardon est ancré quelque part sur la ligne du temps, pardonner pourrait s'avérer un acte purement égoïste et ne pas être tant destiné au coupable qu'à la victime. En pardonnant, nous nous extrayons de ce souvenir douloureux dans lequel nous sommes coincés. Nous nous tournons désormais vers le présent et le futur, car, comme le disait Paul Bos, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Aussi, si vous ne pardonnez pas pour l'autre, pardonnez pour vous-même. Allez, petit exercice. Imaginons un instant tous les moments vécus où nous avons été déçus, trahis, blessés. Rappelons-nous également du nombre de fois où notre esprit est venu se remémorer ces événements, rouvrir la douleur qu'ils ont occasionnée et de l'énergie perdue à ressasser, à ruminer. Imaginons maintenant qu'apparaisse devant nous un engin qui nous permettrait de nous déplacer le plus vite possible, fusée, voiture de sport, moto, avion supersonique. C'est fait ? Maintenant, ouvrons le réservoir de notre moyen de locomotion et utilisons toute l'énergie que nous avons ressentie dans ces temps de ruminement comme essence, comme carburant à notre engin. Installons-nous à l'intérieur et mettons les gaz aussi loin possible sur la ligne du temps que que vous le pouvez. Et projetons-nous vers le futur. Pardonner peut commencer tout simplement par s'éloigner du ruminement incessant des actes blessants et de s'autoriser à vivre, à nouveau libre, sans les chaînes douloureuses qui nous tirent sans cesse vers le passé, révolu pourtant à jamais. Voilà, maintenant que nous savons comment pardonner, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à cultiver la joie. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite, et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.